شويه اسكت شويه اسكت راح نبداو لا اي صايا Les jeunes sombres dans la souffrance s'accrochent à la violence. Combien de jeunes sont tombés dans le maquillage HLM de France? Des fois c'est noir, des fois c'est blanc, des fois c'est néant, obstruction. Étrange, étrange, et pour certains j'ai des pensées de fiction. Déjà grand 16 ans, manie fusil, usine, prêt à l'utiliser. Braquage de brinks le fait rêver. Je n'ai futé pour le fric, prêt à buter. Souvent la haine renforce le sentiment de solitude. Ça part dans tous les sens, où est le nord, où est le sud. Faut que tu changes d'attitude, d'habitude. Laisse pas les défauts devenir seconde nature. La vie est un freestyle, gros, faut que t'assures, c'est pas le fait de braquer qui fait pas jouer. Génération Pia, gang joue le Pia. Génération Pia, Captica Pia. Génération Pia, gang joue le Pia. Génération Pia, Captica Pia. Génération Pia. De Massilia, Algérie à Massiwa, une ticket troisième œil. Autour toi et moi c'est hard. Comme un drive-by shooting, les mômes font tirer un ring de plus en plus à chlingue. La patience n'a plus de place dans leur cœur. Ils veulent filer les bottes de suite et ne font pas de fleurs, ma gueule. J'ai mal au cœur dès que je les vois se détruire. Au lieu de construire, s'instruire, voir un avenir devenir rude. J'ai peur du pire. Point point en France, on se teste. Histoire de peste, ils restent, se détestent, je suis si triste. Quand je pense à ces mères et leurs souffrances, des cellules pleines de gosses, qui t'aident blessés, France, c'est France. Sans chercher à savoir qu'ils font du mal à ceux qu'ils aiment. Juste pour se sentir des hommes, terreur sème. Ça devient dangereux, tant qu'un merdeur met des pompes. Aussi dangereux qu'un occultant en vain de dompter. Génération Pia. Génération psychiatrie, femme ta doc. Elle a peine à poilou. Fuck, on dit au réwash qu'elle fait rasna. Khrebna que t'aimes nizla. Génération taïra, même de foltas tasna. Y'khdem le khdeman, kayak ta li pro. Mais khaf la police, mais khaf li paro. Qui dit blanc, fait rasso. Rouachat ta rouhapso. Nervé pour quoi je j'explique, rak hak tarpo. Ma kanat li le costo. N'échappe tout slah ou tiro, vite qu'on a fait la baston. Risque trop, ma kan walou. Wahid ma parle au gaz flingué. Capin américain bondé. Génération danger. Les mères fait j'pia et drop tout tout quiz qui fait. J'clique à la traite. Chou les films gangster ou à ou s'habo. Grisé. Mère yach tronqué. Brisé. Rijla fait d'm te drop et drop. Bala palo. Walo. Ma chasse le walo. Capable à n'importe quoi. Génération la haffi ha